Ça fait déjà longtemps que tu te hâtes soi-disant. Et pourtant je t'entends chantonner tout en te coiffant. Tu sais on n'a plus le temps, il faut s'en aller maintenant. On n'a pas si souvent des rendez-vous si importants. Moi je voudrais aller vite, plus vite que ta musique. Je tourne et je m'agite, je t'attends. On était fiancés depuis déjà au moins 4 ans. Et pourtant tu voulais rester encore chez tes parents. Tu sais on serait mieux si on était indépendants. C'est beau la vie à deux et puis on aurait des enfants. Moi je voudrais qu'on habite un petit nid romantique. Viens chez nous je t'invite, je t'attends. Ça fait déjà 2 ans que tu es parti maintenant. Moi qui croyais pourtant qu'on s'aimerait la vie durant. Tu sais tous mes amis disent que tu as pris un amant. Qu'il soit beau, qu'il soit grand, faudra surtout qu'il soit patient. Moi, je veux pas que tu me quittes, j'aimerais que tu m'expliques. Je t'en prie, reviens vite, je t'attends. Finalement, tu es revenu en pleurant. En me portant des fleurs, faut dire que c'était mon enterrement. À vouloir vivre vite, on meurt aussi plus rapidement. J'ai toute l'éternité, moi qui n'avais jamais le temps. Mais moi, les anges, les cantiques, ça m'ennuie, c'est physique. Alors rejoins-moi vite, je t'attends. Je t'attends.